بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكوتينيون إن شاء الله تعالى نو كور دو فقه، l'explication de ce livre Manhaj al-Salikin, écrit par l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant le comportement lorsqu'on fait nos besoins naturels, akramakumullah. Et nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, قال المصنف رحمه الله تعالى ويستتر بحائط أو غيره. C'est-à-dire que la personne qui fait ses besoins naturels, elle se cache par un mur ou autre. إذا وجد جدارا أو شجرة أو جبلا صغيرا استتر خلفها. لأن هذا الموضع موضوع الاستتار يكشف عورته، فيحتاج أن يستتر. أما الآن نحن عندنا هذه بيوت الخلاء. Et donc il mentionne ici que si on trouve un mur ou un arbre ou une petite montagne, alors on se cache derrière elle ou derrière lui. Car c'est ici l'endroit pour se cacher. En effet, on va découvrir notre aura, nos parties intimes. Et donc on doit se cacher. Et ça, c'était bien sûr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Aujourd'hui, nous avons les toilettes où on est couvert. On n'a pas besoin, dans la grande majorité des cas, à part bien sûr à la campagne, etc., peut-être, mais dans les villes, on a les toilettes où on peut se couvrir et on peut être à l'abri des regards. Mais si on se retrouve, par exemple, dans le désert, dans la brousse, on se cache donc derrière une petite montagne, derrière un arbre, derrière un mur, etc. الصديق رضي الله عنه يعني أبو بكر كان من حيائه من الله سبحانه وتعالى يغطي رأسه عند قضاء الحاجة كما جاء عند أبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح وهذا يدل على إيمانه وحيائه من الله تعالى. Il est rapporté que الصديق Yani Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait ses besoins naturels, il se couvrait la tête par pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceci a été rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique. Et donc ceci indique le degré de foi de Abu Bakr et sa grande pudeur radiyallahu anhu. وهذا على الأئمة الأربع كلهم أنهم يستحبون تغية الرأس عند قضاء الحاجة ويستدلون بأثار أبي بكر بأثار أبي بكر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين بل هو على رأس الخلفاء الذين لهم سنة متبعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليكم تتمسكوا بها وعدوا عليها بنواجذ. نعم. Et donc Abu Bakr رضي الله عنه, comme je disais, il couvrait sa tête lorsqu'il faisait ses besoins naturels. Et ça, c'est également l'avis des quatre imams: Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed rahimahumullah ajma'in. Ils voient le fait que c'est recommandé de couvrir sa tête lorsqu'on fait ses besoins naturels. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent justement, ils utilisent le athar de Abu Bakr radiallahu anhu, et Abu Bakr fait partie des califes bien guidés. Il est même la tête des califes bien guidés radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, hein, radiallahu anhu ajma'in. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويبعد إن كان في الفضاء. Hein? Donc il se cache, on a dit, derrière un mur ou autre. Et s'il est dans un endroit, un désert où il n'y a rien, alors il s'éloigne le plus loin possible. من السنة يبتعد من الناس والبعد من الاستتار. La sunna, c'est que tu t'écartes, tu t'éloignes des gens pour faire tes besoins. Hein? Et le fait de s'écarter, ça fait partie du fait de se couvrir. Bien sûr, encore une fois, hein, aujourd'hui dans les villes, on a les toilettes dans les maisons. Mais si on se retrouve dans la brousse ou se retrouve dans le désert, par exemple, on doit faire ses besoins. Hein? Il y a le campement, par exemple, avec qui on est. On s'écarte le maximum pour aller faire ses besoins. Fahimtoum ? وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَوَّلًا أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ ثانيا أو محل جلوس للناس ثالثا أو تحت الأشجار المثمرة ورابعا أو في محل يؤذى به الناس. Il n'est pas permis donc de faire ses besoins naturels dans quatre endroits. Le premier, hein, là sur la route où les gens passent, hein. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est négligé, surtout dans notre pays, subhanallah. Tu vois des personnes qui urinent comme ça, sur la route, devant les gens, subhanallah. Hein? Sans parler même d'autres qui font plus que uriner, Allah musta'an. Et même des fois des femmes, subhanallah. Elles urinent comme ça, dans la rue, hein, devant les gens, subhanallah. Hein? Également, il est interdit de faire ses besoins là où les gens se regroupent, là où les gens ont l'habitude de s'asseoir. Des fois, il y a des endroits, c'est connu, les gens s'assoient ici. Ils sont connus, ils se réunissent ici. Hein? Donc, il est interdit de faire ses besoins ici. Également, sous les arbres fruitiers. Sous les arbres fruitiers, là, les arbres qui produisent des fruits, hein, dont les gens consomment. Également, tout endroit qui pourrait porter préjudice aux gens. D'accord ? كل هذه المواضع لا يجوز للمسلم أن يفعل على ذلك لأن سيؤذي الناس. Tous ces endroits, il n'est pas permis, hein, aux musulmans de faire ses besoins, car il va porter préjudice aux gens. أي الطريق طريق الناس لأن هذا يجلب له سبا ولعنا من الناس. Celui qui fait ses besoins sur la route des gens où il passe, les gens vont l'insulter, les gens vont invoquer la malédiction sur lui, etc. وكما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين أن تقضي حاجتك في طريق الناس وفي أماكن جلوسهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, comme le rapporte l'imam muslim dans son authentique, hein, craignez les deux malédictions, les deux choses qui apportent la malédiction des gens. Hein, comme je dis, la'natullah alayhi. Hein, je ne sais pas si en wolof vous l'utilisez cette expression. Non ? La malédiction, non ? Vous le dites, hein ? Vous appelez. Il y a cette dua en wolof, ça existe. Et chez les Arabes, c'est connu, la'natullah alayhi. Hein, quand ils sont en colère contre quelqu'un, ils demandent la malédiction d'Allah. Et je vous rappelle, c'est quoi la malédiction d'Allah ? Tard min rahmatillah. C'est le fait de demander qu'il soit expulsé, qu'il soit éloigné de quoi ? De la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la malédiction. D'accord ? Donc chez les Arabes, c'est connu, hein, quand quelqu'un est énervé ou en colère contre quelqu'un, il va dire la'natullah alayhi. Ou la'natullah alayk. C'est une insulte grave, hein, c'est une dua grave, très grave. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites attention aux deux malédictions, aux deux choses qui apportent ou qui entraînent les gens à maudire ou à appeler la malédiction sur toi. C'est le fait de faire tes besoins, hein, sur la route où les gens passent. Et aux endroits où les gens se regroupent, s'assoient. Hein, comme par exemple, il y a un arbre qui est connu, tout le monde s'assoit dessous. Hein, les gens, les vieux du village, par exemple, où par exemple les femmes elles se retrouvent après les travaux à la maison, elles se retrouvent sous l'arbre, où les enfants jouent, et toi tu viens, hein, pendant qu'il n'y a personne, tu fais tes besoins ici. Les gens vont voir ça, ils vont dire, c'est qui a fait ça, subhanallah. Ils vont appeler la malédiction sur toi. D'accord ? Donc, hein, c'est interdit de faire, hein, ses besoins à ces endroits-là. Ensuite, on continue, hein, dans ce chapitre concernant, hein, le bon comportement à avoir lors des besoins naturels. Hein, et subhanallah, mes frères, ce chapitre, hein, il nous rappelle le hadith de qui ? De Salman. Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Lorsqu'il a été questionné, hein, « Qad allamakum nabiyukum kulla shay, hatta al-khira'a » Hein? Un homme a dit à Salman al-Farisi radiallahu anhu, votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins. Hein? فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائة أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Il a dit oui, bien sûr, il nous a tout appris, même faire nos besoins. Et après, il a cité un certain nombre de comportements à avoir qu'on va citer maintenant, Inch'Allah. Donc, première chose, وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَلَا يَسْتَدِبِرُهَا يَسْتَدْبِرُهَا بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. Donc, lorsqu'il fait ses besoins, il ne doit pas faire face à la Qibla. Et non plus, il ne doit pas faire dos à la Qibla lorsqu'il fait ses besoins. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا أَتَيْتُمَ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Et la preuve de ceci, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Hein, lorsqu'il a dit, hein, si vous allez faire vos besoins, hein, ne faites pas face à la Qibla. Hein, lorsque vous faites, hein, lorsque vous allez faire, hein, comment on appelle ça, la grande commission ou la petite commission, hein, vous m'avez compris. Hein, non plus, ne faites pas dos à la Qibla, mais plutôt tournez-vous à l'est ou tournez-vous à l'ouest. Hein. هذا تشريفا وتكريما هذا البيت العظيم بيت العتيق لا يجوز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي التحريم. Pourquoi ceci, hein, par honneur et par respect envers, hein, cette maison, hein, exceptionnelle, yani بيت العتيق يعني la Kaaba, hein, il n'est pas permis, car le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de faire face ou de faire dos à la Qibla. Hein? Et la base en islam, c'est quoi? Al-Nahi Taqdi. Al-Taqdi là? Al-Tahrim. Hein? L'interdiction, le fait que le prophète sallam interdit, ça implique quoi? Ça implique le caractère illicite. Haram. Wal-ulema ikhtalafu fi hal hadha l'istiqbal wa hadha l'istidbar mutlaqan la yajouz أما أن هناك صور قد يجوز الاستقبال والاستدبار. العلماء اختلفوا les savants ont divergé. Est-ce que le fait de faire face ou de faire dos à la Qibla, est-ce que c'est une interdiction totale ou est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est permis? طائفة من أهل العلم ترى أنه لو كان في البنيان فلا بس أن يستقبله أو يستدبره وهذا قول أكثر العلماء. Il y a un groupe de savants qui disent que si, hein, tu te trouves à l'intérieur des constructions, hein, comme les toilettes à notre époque, hein, alors il n'y a pas de mal à faire face ou à faire dos à la Qibla. Ça, c'est la majorité des savants qui disent ça. إِنَّمَا النَّهِي إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ فِي الصَّحْرَ. Mais ils disent que l'interdiction, c'est si tu te trouves, hein, dans le désert là où tu es à l'air libre. والطائفة ترى جواز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال سواء كان في البنيان أو خارج البنيان مطلقا يعني يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال عندهم. Il y a un autre groupe de savants qui disent, hein, qu'il est permis de faire dos à la Qibla, mais il n'est pas permis de faire face à la Qibla, que ça soit dans les constructions ou à l'extérieur. C'est pareil. Hein? Ils se disent permis de faire, de tourner le dos, mais interdit de faire face. Fahimtoum ? Ça, c'est un deuxième avis. Wa ta'ifa tara al-amrayn. Taqul hadha mansukh. D'autres disent dans les deux, c'est permis. Et ils disent que ce hadith, il est mansukh, yani abrogé. Il a été abrogé. والصحيح والله أعلم مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه لا يجوز مطلقا لا الاستقبال ولا الاستدبار لا في البنيان ولا في خارج البنيان هذا حرام وسنبين السبب. Et ce qui est le plus juste et la science parfaite et auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est que c'est le madhhab de qui? C'est la vie de qui? De Abu Hanifa. Vous voyez, les gens de la sunna, ils ne sont pas accrochés à un shir ou pas. Des fois on dit c'est Abu Hanifa, des fois on dit c'est Malik, des fois on dit c'est Ahmed. Selon la preuve, selon les preuves, les adillah, du kitab et de la sunna, du Qur'an et la sunna. Hein? Et c'est quoi la vie d'Abu Hanifa? C'est que ce n'est pas permis de façon totale. Ni de faire face, ni de faire dos, ni dans les constructions, ni à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est celui-là la vie la plus juste? لأن راوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري ولما روى هذا الحديث حصل أنه سافر إلى الشام كما جاء في الصحيحين فجاء على مراحيض يعني في البنيان واستقبل القبلة قال أن هذه المراحل يعني استقبلت القبلة فقال فقضينا حاجتنا وكنا ننحرف يعني معنى هذا أن المنحاد كان يستقبل القبلة ثم قال ونستغفر الله لأن يعرف هذا حرام وهذا في البنيان. طيب pourquoi on dit que c'est ça la vie le plus juste? Parce que celui qui rapporte le hadith, c'est qui? C'est Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, ce grand sahabi. Il rapporte le hadith et il explique que Abu Ayyub, lorsqu'il rapporte ce hadith, il explique ensuite qu'il voyageait en direction du Shem. En direction du Shem, le nord de, au-dessus de la péninsule arabique. Comme ceci est rapporté dans Al-Bukhari wa Muslim. Et ils sont arrivés à des toilettes. Des toilettes, mais dans des constructions. Mais ces toilettes, ces constructions, ils faisaient face à la Qibla. Alors il dit, on faisait nos besoins tout en s'écartant. On dit tout en s'écartant de la Qibla. D'accord ? Et on demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était haram de faire face à la Qibla. Et il était où ? À l'intérieur des constructions. D'accord ? Et c'est lui qui a rapporté le hadith. D'accord ? وقد يقول قائل حديث ابن عمر أنه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت الشام. طيب quelqu'un peut nous dire, pour répondre à cet avis là, qu'il y a un hadith de Abdullah ibn Umar qui est monté au-dessus de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans laquelle il avait mis Hafsa. C'est qui Hafsa? C'est sa sœur. Hafsa, c'est la sœur de Abdullah ibn Umar. Hein? Donc il est monté au-dessus de la maison, il est sur le toit de la maison, et il a vu qui? Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dos à la Kaaba, et faisait face au Shem. Hein? Si vous prenez la ville de Médine, au nord c'est quoi? Le Shem. Au sud c'est Mecca, la Kaaba. Donc si tu fais dos à la Kaaba, forcément tu fais face au Shem. Qu'est-ce qu'on répond? Naqul hadha khas li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min khasa'isihi. Li anna an-nusus صريحة في النهي. وفي هذا الحديث ارتقى ابن عمر رضي الله عنهما على البيت، وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، بل اختفى صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'on répond ? On répond que ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est spécifique à lui, le jugement est spécifique à lui. Pourquoi on dit c'est spécifique à lui ? Parce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est caché. Il est monté sur la maison de Hafsa afin que personne ne le voie. Il ne savait pas que Abdullah ibn Umar allait venir et il allait l'apercevoir. D'accord ? Donc il s'est caché. Et donc ce qu'il y prouve, comme ont expliqué certains savants, que ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les textes qui sont venus sur l'interdiction sont clairs. D'accord ? Si on n'avait pas les textes clairs, on aurait pu discuter sur le sujet. Mais là, les textes sont clairs. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La testarbilul qibla »« Hein ?»« Wala testadbiruha » C'est clair, c'est sarih. Donc comment on explique le hadith du prophète que ceci fait partie de ses khasa'is, de ses spécificités à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Fahimtoum? Fahim. Fa'idha qada hajatahu awalan istajmara bi thalathati ahjar wa nahwiha tunakki al mahal. Maintenant il passe à un nouveau sujet concernant toujours le fait de le comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins. Il dit, lorsque la personne donc fait ses besoins, il se nettoie avec trois pierres ou quelque chose de semblable, afin de nettoyer l'endroit. D'accord ? Donc en arabe, on a istajmara ou istanja. Istajmara, c'est avec quoi ? Les pierres. Istanja, avec l'eau, al-ma. Donc ici, il dit, il nettoie avec trois pierres ou quelque chose de semblable, afin de nettoyer l'endroit. طائفة من أهل العلم قال ليس المقصود وثلاث أحجار لو كانت حجر واحدة وفيه ثلاث شعب لا بس في نفس الحجر على الحجر ثلاث مرات. Certains savants, ils ont dit le sens ici, c'est pas forcément trois pierres, mais même si tu mets une pierre, si tu prends une pierre qui a trois côtés et que tu t'essuies avec une seule pierre, ou que tu te nettoies avec une seule pierre en utilisant les trois côtés, alors ils ont dit c'est permis. Un certain savant. Wa ta'ifa taqul la bud min thalatha ahjar. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sahih Bukhari qala li ibn Mas'ud i'tini bi thalathati ahjar. Fa ata lahu bi thalathati ahjar fa nadhara fi ath-thalitha fa raha iya rawth al-himar. Fa qala innaha riks. Et d'autres disent non, il faut que ça soit forcément trois pierres. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il y a un hadith dans Sahih Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ibn Mas'ud radiallahu anhu d'aller lui chercher trois pierres afin de se nettoyer des besoins naturels. Alors il a ramené trois pierres et Abdullah ibn Mas'ud. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé ces trois pierres, il a vu que la troisième, en fait, c'était pas une pierre. Il a dit, mais c'était un crottin de d'âne. Un crottin d'âne. Et il l'a jeté, il a dit, ça, c'est impur. D'accord ? Parce que je vous rappelle que l'âne, il est haram. On n'a pas le droit de le manger. D'accord ? Donc le crottin, et comme on va le voir après, le crottin et l'urine des animaux qu'on ne mange pas, ils sont impurs. Contrairement au crottin et à l'urine des animaux qu'on mange, ils sont purs. Et on va le voir ça après. On va voir les preuves. Crottin. Crottin, comment, en wolof ? Rauf en arabe. Fahimti. Non. Des fois ça arrive, tu vois quelque chose, tu crois que c'est une pierre. En fait, c'est en arabe, dit Rauf, Rauf al-Himar. C'est un crottin de d'âne. Taïb. Wa ja'a fi hadith Salman aydan wa ghayrihi. Également, il est rapporté ceci dans un hadith de Salman et autre que lui. D'accord ? وإذا انتهى بالحجر لا بأس أن تستنجي بالماء فتجمع بين الماء والأحجار وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء. Donc si tu t'es nettoyé avec trois pierres, aussi tu peux utiliser l'eau. D'accord? Donc tu peux utiliser les pierres et l'eau ensemble. Essuyer avec les deux, nettoyer avec les deux. Et ça, c'est l'avis de la majorité des fuqaha, des savants du fiqh. جاء في حديث ضعيف أن الله في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال نزلت لأهل لمن نزلت هذه الآية أيوة أحسنت يا أخي لأهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ولكن هذا ضعيف لكن أكثر من الفقهاء وأكثر الفقهاء بعضهم على أنه لا بأس من الجمع بين الأحجار والماء وأنهم يشترطون أن تكون ثلاثة أحجار والجمهور من العلماء يقولون لا بد أن يكون أن تنقيات المحل بالماء إلا إذا عدم الماء أما مع وجود الماء فيقولون لا ينقي إلا ولا ينقي لا ينقي بعضه إلا الماء والحجر زائدة لأن الأصل في الطهارة هو الماء والصحيح في هذا أن كل شيء يزيل النجاسة عن محلها لا بس أن تستفيد منه وتنقي لكن الأفضل هو الماء. Ici les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut prendre l'eau avec les pierres ou est-ce que c'est que l'eau? Est-ce que c'est que les pierres? El muhim, ceux qui disent, les fuqaha qui disent qu'il est permis de regrouper, c'est-à-dire on se nettoie par exemple avec les pierres et après on se nettoie avec de l'eau, on peut faire les deux en même temps. Ils utilisent un hadith mais qui est faible. Un hadith qui est faible concernant la parole d'Allah qui dit au sens approché, et dans celle-ci, dans la mosquée de Quba, il y a des hommes qui aiment se purifier. On a déjà parlé de ça, je ne me rappelle plus dans quel cours. C'était dans le cours de fiqh qu'on avait fait auparavant. Et donc, il y a un hadith, mais qui est faible, encore une fois, je le répète, qui dit que ceci a été descendu sur les gens de Quba. Pourquoi Allah dit ça? Parce qu'ils regroupaient, pendant leurs besoins naturels, le fait de se nettoyer avec des pierres et ensuite avec de l'eau. Mais ce hadith est faible. Cependant, les fuqaha, ils l'utilisent pour dire que c'est permis de regrouper les pierres avec de l'eau. D'accord? Et ils conditionnent la chose que trois pierres doivent être utilisées. Trois pierres doivent être utilisées. D'accord? D'autres ulama, ils ont dit qu'il est obligatoire que tu nettoies, tu nettoies l'endroit avec de l'eau. Tu es obligé d'utiliser l'eau, quoi qu'il arrive. D'accord? Tu es obligé d'utiliser l'eau. Tu ne peux pas faire que les pierres. Excepté, bien sûr, si il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, dans ce cas-là, ils disent tu peux utiliser les pierres. D'accord? Ça, c'est l'avis d'autres savants. Donc s'il y a l'eau, eux ils disent t'es obligé de prendre de l'eau, d'essuyer de l'eau, de laver avec de l'eau. Et les pierres c'est en plus. Si tu veux utiliser en plus les pierres c'est en plus. Mais la base c'est l'eau. D'accord? Et ce qui est correct dans ce sujet, Wallahu ta'ala a'alam, c'est que tout ce qui peut enlever la saleté, tout ce qui peut nettoyer l'endroit, alors c'est permis. Alors c'est permis. Comme par exemple à notre époque certains utilisent du papier toilette. D'accord? Bien sûr, il y en a qui l'utilisent, mais l'endroit est toujours sale. Alhamdulillah. Si tu es sûr, en utilisant que le papier, et que tu n'as plus de saleté à l'endroit où tu fais tes besoins naturels, alors les savants disent c'est permis. D'accord? C'est permis. Néanmoins, ce qui reste le meilleur, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est le meilleur, pourquoi? Parce que c'est la base de la purification. La base, c'est l'eau. D'accord? Et honnêtement, les frères, je pense que personne, tout musulman, aucun musulman ne pourra contredire le fait que quand tu utilises l'eau, c'est la manière la plus efficace pour nettoyer. C'est la manière la plus efficace. D'accord? Mais néanmoins, si tu utilises autre chose que l'eau et que l'endroit est propre, alors c'est permis. C'est permis. Fahimtoum? نعم فكما قال هنا المصنف استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. طيب donc il se nettoie avec trois pierres ou autre ou quelque chose qui ressemble et il nettoie l'endroit puis ensuite il nettoie avec de l'eau ويكفي الاقتصار على أحدهما et il est possible de se limiter à un des deux soit l'eau soit les pierres comme on a dit d'accord tout à l'heure. ولا يستجمر بالروث والعظام. Il n'est pas permis. Là, il donne une exception. qu'on a dit des pierres ou ce qui ressemble. Par contre, il n'est pas permis de se nettoyer avec quoi ? Al-Rawf, yani les crottins, et Al-Ivam, les os. Pourquoi ? Al-Rawf, ma yu'kal al-lahm, kal ibil, ou al-ghanam, mathalan, la yajouz an tastanjiya, ou tastajmira, ou tastajmira, bihi, li amri. Awalan, la yutahhir, kama jaha, fi sunan ad-Daruqutni. عندما نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالعظام وبالروث قال فإنهما لا يطهران والثانية لأن الروث والعظام تعامل إخواننا الجن كما جاء في الحديث الصحيح. Donc ici pourquoi il est interdit d'utiliser les crottins et les os des animaux dont on mange. Donc on mange la viande comme les chameaux, les moutons, les vaches, etc. Il n'est pas permis de se nettoyer avec pour deux choses. Premièrement, parce qu'elles ne purifient pas. Ces choses ne purifient pas, comme l'a été rapporté dans Sunan ad-Daruqutni, avec un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se nettoyer des besoins naturels avec les os et avec les crottins, parce qu'il a dit il ne purifie pas. Ces deux choses ne purifient pas. Et deuxièmement, pourquoi ? Parce que les crottins et les os sont la nourriture de nos frères, les djinns. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les crottins et les os sont la nourriture de nos frères musulmans parmi les djinns. Donc on ne va pas s'essuyer avec. D'accord ? Parce que après, si s'avère que les djinns le mangent après, ça va être... C'est quelque chose de sale, d'accord. Donc voilà pourquoi ici il est interdit d'utiliser les crottins et les os pour se laver, et ça a été mentionné dans le hadith de Salman. Le hadith de Salman qu'on a dit tout à l'heure en début de cours, quand cet homme a demandé votre prophète vous a tout appris ? Oui, il nous a tout appris. Il a dit il nous a appris à ne pas faire face à la Qibla lorsqu'on fait nos besoins. Et non plus, on ne fait pas. Et il a dit, on doit se nettoyer avec la main gauche. Ou plutôt, il a dit, on se nettoie pas avec la main droite. Quand on se nettoie les parties, lorsqu'on a fait nos besoins, on ne le fait pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Et on ne doit pas se nettoyer avec moins de 3 pierres. Et on ne doit pas se nettoyer avec ce qu'on a dit, les crottins ou les os. D'accord ? Juste avant, il nous reste une phrase avant de faire l'adhan, juste une phrase. كَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةً. Également, il est interdit de se nettoyer avec toute chose qui est sacrée, entre guillemets. Par exemple, مِثْلُ التَّعَامُ وَالْخُبْسُ وَغَيْلِ ذَلِكَ وَغَيْلُ ذَلِكَ. Par exemple, on ne peut pas se nettoyer avec de la nourriture ou avec du pain. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qu'on mange. C'est pas quelque chose qui est utilisé pour nettoyer les parties intimes. D'accord ? Et il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Toi, tu viens, tu prends une baguette et tu t'essuies, A'ouzou billah. Quelque chose qui est inconcevable. Taïb ? Et avec ça, il a terminé, l'auteur, le chapitre concernant le fait de faire. Ses besoins, comment le comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins. Alhamdulillah, on a terminé. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.